Tu vois, t'es pas. Je pense que toi, t'es un mec qui aime vraiment la France. Tu vois, et c'est pour ça que je t'apprécie. Je pense que tu, si tu veux, la France, tu la respectes, tu l'aimes, c'est ta mère, etc. Tu peux l'identité française, tu peux la ressentir, tu peux l'aimer, la culture, tu peux tout ce que tu veux, mais la France, tu ne pourras jamais l'incarner, t'es pas. Tu ne pourras jamais, dans la tête, dans l'inconscient collectif des gens, tu ne pourras jamais incarner l'idée de la France. Mais c'est pas une critique genre, je t'enterre sous terre.